La vie devint sévère pour Marius. Il mangea de cette chose inexprimable qu'on appelle de la vache enragée. À plusieurs reprises, la tante Gillenormand fit des tentatives et lui adressa 60 pistoles, soit 600 francs or. Marius les renvoya constamment en disant qu'il n'avait besoin de rien. Quand Marius fut avocat, il en informa son grand-père par une lettre froide, mais pleine de soumission et de respect. M. Gillenormand prit la lettre avec un tremblement, la lut et la jeta, déchirée en quatre au panier. Dans toutes ces épreuves, Marius se sentait encouragé et quelquefois même porté par une force secrète qu'il avait en lui. L'âme aide le corps et, à de certains moments, le soulève. C'est le seul oiseau qui soutient sa cage. À côté du nom de son père, un autre nom était gravé dans le cœur de Marius, le nom de Thénardier. Il ne séparait jamais le souvenir de cet homme du souvenir de son père et il les associait dans sa vénération. Pour retrouver Thénardier, en effet, Marius eut donné un de ses bras et pour le tirer de la misère, tout son sang. Revoir Thénardier, rendre un service quelconque à Thénardier, lui dire « Vous ne me connaissez pas, eh bien, moi je vous connais, je suis là, disposez de moi. » C'était le plus doux et le plus magnifique rêve de Marius. À cette époque, Marius avait 20 ans. Il y avait 3 ans qu'il avait quitté son grand-père. En attendant, bien qu'il fût avocat et quoi qu'en pensât le père Gillenormand, il ne plaidait pas. Il ne voyait aucune raison pour changer de gagne-pain. Une librairie, marchande et obscure, avait fini par lui faire un travail sûr, un travail de peu de labeur. Marius vivait en solitaire. Il n'était décidément pas entré dans le groupe présidé par Enjolras. On était restés bons camarades. On était prêts à s'entraider dans l'occasion, de toutes les façons possibles, mais rien de plus. Marius avait 2 amis, un jeune, Courfeyrac, du groupe révolutionnaire ABC, et un vieux, M. Mabeuf. Ce Marguillier, frère du curé de Vernon, avait été décisif. M. Mabeuf avait pris Marius en grès, parce que Marius, étant jeune et doux, réchauffait sa vieillesse, sans effaroucher sa timidité. Vers 1830, son frère le curé était mort. Tout l'horizon s'était assombri pour M. Mabeuf. Il s'établit près de la Salpêtrière, dans une chaumière non loin de la Masure Gorbeau. Marius avait du goût pour ce vieillard candide qui se voyait lentement saisi par l'indigence. Le plaisir de Marius était de faire de longues promenades seul sur les boulevards extérieurs ou dans les allées les moins fréquentées du Luxembourg. C'est dans une de ces promenades qu'il avait découvert la Masure Gorbeau et l'isolement et le bon marché le tentant, il s'y était logé. On ne l'y connaissait que sous le nom de M. Marius. Vers le milieu de l'année 1831, la vieille qui servait Marius lui conta qu'on allait mettre à la porte ses voisins, le misérable ménage Jondrette. Marius, qui passait presque toutes ses journées dehors, savait à peine qu'il eut des voisins. « Pourquoi les renvoie-t-on » dit-il. « Parce qu'ils ne paient pas leur loyer. Ils doivent 2 termes. « Combien est-ce ? » 20 francs, dit la vieille. Marius avait 30 francs en réserve dans un tiroir. « Tenez, dit-il la vieille, voici 25 francs. Payez pour ces pauvres gens. Donnez-leur 5 francs et ne dites pas que c'est moi. »